Plage 5, les relations affectives. Quel que soit leur type, les relations que vous entretenez avec votre entourage sont probablement empreintes de mémoires erronées. Que ce soit des relations sentimentales insatisfaisantes ou bien dont les résultats sont toujours identiques, des rapports familiaux conflictuels, des amitiés qui vous embarrassent ou des liens professionnels problématiques. Nous avons souvent tendance à accabler l'autre, la vie ou Dieu lorsqu'une situation ne nous convient pas. Or, pour Ho'oponopono, nous sommes responsables à 100% de ce que nous vivons. Donc, si vous expérimentez des relations difficiles, quel qu'en soit le domaine, cela vous incombe. Ou plutôt, cela repose sur vos mémoires erronées. Aussi, nous allons les nettoyer sans plus attendre. Gardez les yeux fermés. Demeurez en contact avec ce divin qui est en vous. Continuez à respirer calmement, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Venez me rejoindre dans cette forêt, calme, belle, sécurisante et paisible. Marchez tranquillement. Vous apercevez un arbre qui vous attire plus que les autres. Il est solide. Son tronc est large et robuste. Allez jusqu'à lui. Asseyez-vous au pied de cet arbre, adossé à son tronc, sur un coussin de mousse tendre, les jambes en tailleur, croisées. Vous vous voyez fermer les yeux et ressentir le calme et la paix vous envahir. Allez au plus profond de votre être, au contact de votre moi supérieur. À présent, songez à vos relations, sans porter le moindre jugement, sereinement, tranquillement. Il peut s'agir de vos relations dans leur ensemble, ou bien pour un domaine particulier, sentimental, amical, familial, professionnel. Ou bien, vous pouvez focaliser votre attention sur une relation précise, sur un problème que vous rencontrez éventuellement, ou avez rencontré, avec une personne. N'émettez aucun avis, aucun jugement, aucune culpabilité. Ne demandez rien. N'attendez rien. Orientez simplement vos pensées sur cette relation. Imprégnez-vous d'elle. Maintenant, écoutez la déclaration qui suit et ressentez les vibrations qu'elle vous procure. Désolé d'avoir généré ce conflit entre cette personne et moi. Pardon. De procéder toujours de la même manière avec mes proches et de provoquer systématiquement les mêmes résultats insatisfaisants pour eux comme pour moi. Merci de me permettre de nettoyer cette mémoire et d'avoir accès à des relations stables, paisibles et sincères. Je t'aime. À moi-même qui apprends à aimer les autres en leur laissant la liberté d'être et de penser. À l'univers grâce auquel je vais maintenant vers des relations saines. À toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à aujourd'hui et que je rencontrerai dans le futur pour m'avoir tant appris sur moi et sur la vie. Maintenant, nous allons faire Ho'oponopono à voix haute, ensemble, alors que vous demeurez focalisé sur vos relations affectives ou sur une relation en particulier. Ne demandez rien et ne jugez rien. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Restez focalisé sur vos relations. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Respirez profondément. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Sentez la paix qui s'installe dans vos relations. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. À présent, il ne vous reste plus qu'à faire confiance à votre nettoyage, ainsi qu'à Ho'oponopono. Vous pourrez le refaire autant que vous le désirez. Lâchez prise et laissez votre moi supérieur prendre le relais. Très vite, vous constaterez la différence à l'intérieur comme à l'extérieur de vous-même. Maintenant, si vous désirez poursuivre votre nettoyage avec cet enregistrement, restez tranquillement installé au pied de votre arbre, les yeux clos. Si vous souhaitez arrêter maintenant et le reprendre ultérieurement, alors prenez tout le temps nécessaire pour revenir ici et maintenant, tranquillement, à votre rythme.